Vous écoutez Futur Simple et j'ai au 89.1 bien sûr, et j'ai le plaisir d'accueillir un nouveau chroniqueur à l'émission. Il se nomme Frédéric Bouchard et tout comme Marie-France Autil, il n'est pas vraiment nouveau, mais lui aussi est un revenant. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Alors Frédéric, j'aimerais aussi que tu te présentes un petit peu pour qu'on sache qui tu es. Parce que tu as toute une histoire, tout un historique, mais on va aller à l'essentiel. On va dire qu'actuellement, je suis chercheur postdoctoral en géographie physique au Centre d'études nordiques. D'accord. Puis ça se passe à l'Université Laval, à l'INRS? Plusieurs universités, Université de Montréal, Université Laval, INRS, etc. Et donc, avec cette expertise en sciences nordiques, aujourd'hui, finalement, tu nous entraînes dans le pergélisol. Oui, madame. Oui. Justement, le contexte de ça, c'était la découverte la semaine dernière de ce qu'on a appelé un virus géant, vieux de 30 000 ans, qui avait été découvert dans le pergélisol de Sibérie. Il y a une équipe de chercheurs qui affirme même qu'il est possible de le réanimer. Alors, on se demandait est-ce que c'était une prouesse scientifique ou un mauvais scénario hollywoodien farfelu. Eh bien, pour comprendre le contexte de cette découverte-là, il faut savoir ce que c'est le pergélisol et puis son rôle dans la dynamique du climat terrestre et le grand cycle du carbone. Bref, son impact sur le comportement du système Terre. Alors justement, on va commencer par le début. C'est quoi le pergélisol? On définit le pergélisol ou permafrost de nos amis anglophones comme n'importe quel sol ou roche dont la température demeure égale ou inférieure à 0 degré Celsius, le point de congélation, pendant au moins 2 années consécutives. Donc, c'est une définition strictement thermique qui tient pas compte du tout des propriétés locales du terrain comme le contenu en glace, le contenu en carbone et puis d'autres éléments. Autrement dit, un granit bien sec, sans glace apparente, peut être considéré comme du pergélisol au même titre que des couches de tourbe gelée très riches en glace. Alors, selon cette définition-là, on retrouve du pergélisol dans les hautes latitudes, autrement dit la toundra arctique, mais aussi dans les hautes altitudes, autrement dit la toundra alpine. Ouais. Et un bon exemple de ce pergélisol alpin, c'est le plateau du Tibet, qui est à environ 30 degrés de latitude nord, soit vis-à-vis, par exemple, les villes du Caire en Égypte ou la Nouvelle-Orléans dans le sud des États-Unis. Mm-hmm. Dans le cas du Tibet, c'est évidemment la très grande altitude, en moyenne près de 5000 mètres, qui permet de maintenir la température de l'air et du sol assez basse pour que le pergélisol se maintienne. Donc, on n'en trouve pas seulement près des pôles. Non, madame. Le saviez-vous, le pergélisol affecte environ le quart du territoire en hémisphère nord, ce qui équivaut à plus d'une vingtaine de millions de kilomètres carrés. Donc, c'est immense. On pense évidemment tout de suite, lorsqu'on regarde une carte, à la Sibérie, à l'Arctique canadien, avec les territoires comme le Nunavut, territoire du Nord-Ouest, le Yukon, mais aussi la majeure partie de l'Alaska, le nord de la Scandinavie, la Mongolie aussi. Et plus près de chez nous, au Canada, c'est près de la moitié du territoire qui est occupé par le pergélisol. Ah, oui? Donc, on parle de près de 5 millions de kilomètres carrés sur les quelques 10 millions de kilomètres carrés au Canada. Dans le sud, dans la partie sud de sa zone de répartition, donc autrement dit ce qui correspond à peu près à la forêt boréale, on parle du pergélisol discontinu, sporadique ou même isolé, et ça va affecter seulement quelques parties du territoire sur quelques mètres de profondeur. Mais plus au nord, dans la zone de pergélisol continu, ça va affecter toute l'étendue du territoire et ça peut atteindre plusieurs centaines de mètres, parfois même plus d'un kilomètre de profondeur, comme par exemple en Sibérie et dans l'Arctique canadien. Mais attention, un petit scoop ici, on retrouve même du pergélisol sous-marin, imaginez-vous donc. En fait, c'est un vestige climatique, pourquoi? Parce que lors de la dernière glaciation, donc qui a culminé il y a environ 20 000 ans avant aujourd'hui, il y avait tellement d'eau stockée sous forme de glace à l'échelle planétaire que le niveau des mers et des océans du globe était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. On parle de 120 à 130 mètres sous le niveau actuel. Donc, il y a des régions qui sont aujourd'hui localisées en zone côtière, qui sont maintenant immergées, comme par exemple un secteur de la mer de Beaufort au nord de l'Alaska et du Yukon. Ces régions-là étaient, à cette époque, émergées, exposées au froid. Donc, le pergélisol s'y est installé, propagé et a subsisté mm-hmm. jusqu'à aujourd'hui, même après que la fin de la glaciation ait provoqué la remontée du niveau des mers. Mm-hmm. Ah ben, je ne savais pas qu'on pouvait trouver des fossiles du pergélisol fossilisé quasiment. Dans le fond marin. Ouais, c'est ça. Donc maintenant qu'on connaît un peu mieux le pergélisol, peux-tu nous dire en fait quel est son rôle dans ce dont tu parlais aussi un petit peu au tout début, dans le cycle du carbone? Ben, comme on l'a dit, le pergélisol, ça peut être de la roche, mais ça peut aussi consister en sol riche en matière organique. Et pour se donner une bonne idée, pensons aux immenses tourbières qui s'étendent à perte de vue sur des milliers de kilomètres en Sibérie ou plus près de chez nous, dans les basses terres de la baie du Tson, par exemple nord de l'Ontario, nord du Manitoba. Ce sont des sols très riches en carbone. Ce carbone-là provient des nombreux débris de matière organique qui s'y déposent dans les tourbières. Et souvent, évidemment, ce sont des sols gorgés d'eau, très riches en eau. Et ce sont deux conditions donc idéales pour que la matière organique soit relativement bien préservée puis épargnée par l'oxydation ou la décomposition en présence d'oxygène. Et on ajoute à ça les conditions purement thermiques, soit un sol sous le point de congélation dans les zones nordique, et on obtient des environnements très propices à la séquestration ou à l'emprisonnement de carbone sur de très grands territoires. Donc, à mesure que le pergélisol va se développer durant les périodes froides, il va emprisonner, conserver une grande quantité de carbone, puis de sorte qu'on estime qu'il y aurait aujourd'hui, actuellement, près de deux fois plus de carbone stocké dans le pergélisol que dans l'atmosphère, soit environ 1600 gigatonnes ou milliards de tonnes dans le pergélisol, comparativement à 800 gigatonnes dans l'atmosphère. Ouais, et puis là, on peut se demander, avec le réchauffement climatique, est-ce que cette immense réserve de carbone, finalement, est en danger? Est-ce qu'elle peut s'échapper? Bien, lorsque le climat se réchauffe et que le pergélisol dégèle, il peut relâcher une partie de ce carbone-là qui était autrefois emprisonné. Il peut le relâcher donc vers l'atmosphère sous forme de gaz à effet de serre, ceux dont on entend parler régulièrement, donc le dioxyde de carbone, le CO2, et le méthane, le CH4. Et la particularité du méthane, même si il est moins abondant que le CO2, c'est qu'il y a un potentiel de réchauffement 25 à 30 fois supérieur au CO2 sur une période de référence là, d'un siècle, de 100 ans. Autrement dit, une molécule de méthane retient la chaleur 25 à 30 fois plus qu'une même molécule de CO2. Or, justement, qu'est-ce qui contrôle en grande partie la façon, la vitesse à laquelle ce carbone organique-là est transformé en gaz, particulièrement en méthane? Les microbes, les bactéries, les virus, là, justement, c'est là que ça intervient. La vie microscopique, qui est abondante partout à la surface de la planète, d'ailleurs, incluant dans le nord, dans les zones de pergélisol. Donc, la vie microscopique utilise et transforme les molécules contenant du carbone pour produire du méthane, et on les appelle les méthanogènes. Mais pour complexifier la chose encore plus, il y a des bactéries qui font aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'elles consomment du méthane et produisent du CO2, et on les appelle les méthanotrophes. Alors, dans un scénario de réchauffement climatique au cours du prochain siècle, durant lequel le dégel du pergélisol provoquerait la mise en circulation du carbone organique autrefois piégé dans le sol, on pourrait assister à la fois au relâchement de méthane dans certains milieux par les méthanogènes et à la consommation, à la séquestration de méthane dans d'autres milieux par les méthanotrophes. Donc, c'est pas si simple, finalement. Oui, c'est ça. Ça semble assez compliqué. Ces bactéries du pergélisol, ça nous ramène à ce fameux virus géant vieux de 30 000 ans qu'on a découvert donc récemment. Qu'est-ce qu'on sait de ce virus? Ben, justement, ce mystérieux méga-virus, il s'appelle Molivirus sibiricum, découvert en Sibérie, comme son nom l'indique quand même pas mal. Et c'est une équipe de chercheur français et russe qui l'a découvert à une trentaine de mètres de profondeur dans du pergélisol vieux de 30 000 ans. Donc, on parle d'un virus qui était contemporain à l'extinction de l'homme de Néandertal. Et ces mêmes chercheurs s'apprêtent à le réanimer en laboratoire. Donc, il s'agit du quatrième méga, de ce qu'on appelle les méga-virus, découverts depuis le début des années 2000. Mm-hmm. Et on les considère méga-virus lorsqu'ils sont plus grand que 0,5 micron ou 0,5 millième de millimètre. Alors, scientifiquement parlant, c'est assez excitant car on sait à peu près rien de ce mystérieux méga-virus, à part peut-être qu'il mesure 0,6 micron, donc il se qualifie tout juste pour être appelé le méga-virus. Et il possède plus de 500, dans son bagage génétique, plus de 500 gènes. Par comparaison, le virus de la grippe, de l'influenza, en possède seulement 8. Ah oui. Donc, c'est quand même impressionnant. Ouais. Et cette découverte-là provoque un certain questionnement. Premièrement, justement, si on connaît presque rien d'un tel virus qui pourrait avoir survécu 30 000 ans fossilisé dans le sol, comment s'assurer qu'il pourrait pas infecter l'humain, ben, finalement? Oui. Et deuxièmement, dans le contexte des changements environnementaux observés puis du développement économique annoncé dans les régions nordiques, quels pourraient être les effets d'un réveil des mégavirus advenant un dégel prononcé du pergélisol? Et pour l'instant, on est loin d'avoir des réponses claires à ce sujet-là. Mais je suppose qu'il y a des chercheurs qui cherchent ces réponses. Et plus largement, en fait, où en est la science du pergélisol actuellement? Bien, c'est un domaine de recherche qui a probablement jamais été aussi actif et dynamique qu'actuellement. Ça se sépare en plusieurs grandes disciplines. Par exemple, il y a toujours la science, la bonne vieille science de base du pergélisol, celle qui concerne les propriétés du terrain, le contenu en glace du sol, les formes associées à la présence de pergélisol. Ça, c'est la discipline qu'on appelle la géomorphologie périglaciaire. Donc, il y a aussi le domaine de l'ingénierie qui s'intéresse depuis quand même un certain temps, mais de plus en plus activement au pergélisol à cause, évidemment, des nombreuses infrastructures, routes, bâtiments, pistes d'aéroports qui sont en place actuellement dans les villages nordiques, mais aussi, dans le fond, les infrastructures qu'il va falloir construire et entretenir avec les nouveaux défis posés par le développement important dans le Nord, par la dégradation du pergélisol relié au réchauffement du climat. Il faudra donc trouver des nouvelles techniques de construction, d'aménagement et améliorer les méthodes existantes. Et puis enfin, il y a un nouveau secteur, un secteur un peu plus jeune de la recherche en pergélisol, qu'on pourrait dire, qui est en train d'émerger, c'est celui de la dynamique du pergélisol et les interactions avec le climat via le cycle du carbone, les fameux gaz à effet de serre dont on vient de parler. Et justement, on est chanceux, très chanceux à Québec, car la semaine prochaine, il va y avoir la 7e conférence canadienne sur le pergélisol, qui va avoir lieu au Centre des congrès. On dit conférence canadienne, mais au fond, il va y avoir des scientifiques de partout dans le monde qui vont y assister, parce que le Canada est un des leaders mondiaux dans le domaine. Et puis, heureusement, l'équipe de Futur Simple va pouvoir compter parmi son équipe un espion qui va assister à cette conférence-là la semaine prochaine. Ah oui, donc peut-être que cet espion nous rapportera des nouvelles fraîches de la science du pergélisol. Certainement. Bien, merci beaucoup Frédéric. Et puis, c'est l'heure de partir une petite pause musicale sur CKRL au 89.1. Et au retour, on s'intéresse au phénomène El Niño.